8-3, compréhension auditive et production orale. Vous allez entendre des phrases qui expriment un rapport de parenté dans la famille Bello. Et puis, vous allez entendre une question. Répondez à la question selon l'exemple. Vous entendez. 1. Mireille est la fille de Madeleine Bello. Qui est Madeleine Bello? Et vous répondez. C'est la mère de Mireille. 2. Georges Bello est le cousin de Mireille. Qui est Mireille? C'est la cousine de Georges. 3. François Bello est le fils d'Anatole Bello. Alors, qui est Anatole Bello? Le père de François. 4. Si Madeleine Bello est la mère de Mireille, qui est Mireille? La fille de Madeleine Bello. 5. François Bello est le mari de Madeleine Potier. Alors, qui est Madeleine Potier? La femme de François Bello. 6. Mireille est la nièce de Guillaume Bello. Qui est Guillaume Bello? L'oncle de Mireille. 7. Georgette Bello est la sœur de Guillaume Bello. Alors, qui est Guillaume Bello? Le frère de Georgette. 8. Anatole Bello est le père de François Bello. Qui est François Bello? Le fils d'Anatole. 9. Mireille est la nièce de Georgette Bello. Qui est Georgette Bello? La tante de Mireille. 10. Mireille est la fille de François Bello. Qui est François Bello? Le père de Mireille.